Un mot de notre président. Mes chers compatriotes, je viens pour un bilan, pour vous demander d'y réfléchir à deux fois. Il n'y a plus d'autre choix, aucune autre solution est envisageable. Nous n'avons plus d'eau douce. Les glaciers ont fondu, emportant avec eux les réserves d'eau potable. Il n'y a plus que de l'eau salée, les rayons du soleil brûlent toute la végétation, la couche d'ozone ne nous protège plus. Nous ne pouvons plus être à l'extérieur sans se faire brûler. Plus rien ne nous protège. Les pluies acides provoquent la destruction de toute la vie sauvage. Nous n'aurons bientôt plus rien à manger. Non, ni viande, ni fruits et légumes. Voyez dehors, le désert avance de jour en jour, il n'y a plus d'herbe, plus d'arbres, ni volatiles, ni reptiles, ni même les scorpions ne résistent. La planète est périmée. Nous nous devons de quitter la Terre. Prenez vos souvenirs, juste le minimum, et montez dans les navettes. Il y a assez de place pour nous tous. Ceux qui resteront, sachez-le bien, seront anéantis au bout de quelques mois. Je vous le redis, réfléchissez et prenez le bon choix.